Let's go. Une seule émission, rap de référence. Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial DJ Amida. Passez une bonne soirée, c'est déjà la dernière avec DJ Amida, comment va? Déjà la dernière. Déjà la dernière, mais peut-être le début d'une longue série. Ouais, Inch'Allah. Voilà, on vous souhaite bienvenue, tout se passe bien? Tout se passe très bien, là, d'ici une heure, grande rencontre de la France. Ouais, face à nos amis suisses. Face à nos amis suisses. Qu'on espère manger. Wow, petit jeu de mots, facile, simple, efficace, qui passe toujours. Ouais, mais nickel. On suivra ça tout à l'heure chez Difool dans la Radio Libre à partir de 21h. Ce soir, que va-t-il se passer dans l'émission, s'il te plaît, DJ Amida? Ce soir, j'ai un invité de marque. Un vrai invité de marque. Un mec que j'ai écouté durant toute mon enfance. C'est vrai. Pareil, ça a été un honneur qu'il a accepté mon invitation sur la compil. C'est Monsieur Tunisiano. Mais tu l'écoutes plus depuis que t'es... Ah non, je l'écoute toujours. Non. Oui, je l'écoutais dans mon enfance. Non, c'est quelqu'un que j'ai saigné. Non, c'est parce qu'il n'y a plus de projet, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il écoute plus, gros. Tunisiano, en pleine forme, bien. Petite tenue estivale, tout rond. Ouais, il fait bon. Il fait plaisir. Beau. En plus, la France, j'espère qu'elle va gagner. On est bien. Oui, parce et vous, que, les gars tu esquives tout de suite la Coupe du Monde. Pas de Tunisie, rien, on parle pas. Ah, mais c'est périmé ce sujet. Je suis déjà fait chambrer, il y a longtemps de ça, merde. Ah, ouais, c'est vrai. Ah, bon. Ça chante, hein. Ah, j'adore quand ça chante. Bon, tout va bien? Bah, écoute, ouais, super, hein, super. On est là, on soutient le projet, je suis très content, j'ai eu des putains de retours par rapport au titre. Ça fait plaisir. Ouais, bienvenue en Tunisie, ouais. Grave, tout le monde m'a appelé, j'avais ma petite communauté, mon petit réseau Zient autour de moi, ils m'ont tous. C'était un morceau que je me tenais à cœur de le faire parce qu'il n'a jamais été exploité. Donc, on avait toujours des morceaux qui représentaient l'Algérie, le Maroc. C'est vrai. Mais la Tunisie, donc j'avais beaucoup d'amis à moi tunisiens. Donc, ceux de Nice aussi, beaucoup d'amis de Nice à moi. Et ils m'ont dit, faut que tu fasses un son pour la Tunisie. Et comment voilà, t'expliques justement? Parce qu'il y a une production qui est un peu plus petite en Tunisie par rapport au Maroc. Non, mais pas, c'est juste qu'il fallait aller chercher le délire et puis chercher les bons artistes. Donc, je suis parti en Tunisie. Voir Ramzi Abdelwahab qui est un grand chanteur tunisien. Et puis je suis venu ici en France directement, j'ai capté la grosse tête tunisienne, voilà. On peut pas faire autrement en même temps. Ouais, voilà. Donc voilà. Bon, t'as aussi des contours du morceau, on va aller. Ah, franchement, très très content. Il m'a parlé de ça en studio. Il m'a dit, écoute, franchement, j'ai un concept pour toi. Je pense que ça peut le faire. Ça a jamais été fait. Je pense que c'est un truc qui peut vraiment parler à la communauté maghrébine, hein, dans l'ensemble. Mais bon, même si ça s'adresse essentiellement aux Indiens dans un premier temps. Mais et puis j'ai dit, ouais, c'est vrai que ça a pas été fait. Pourquoi pas? Et bon, on l'écoutera peut-être tout à l'heure. Il y a pas de souci. Il y aura du live aussi ou tu feras une session mix. Ben, c'est son mix pour finir la semaine. Bon, et comme chaque soir, on débute avec Déconnecté maintenant sur Skyrock. C'est évidemment DJ Amida, mais sur le morceau Kaina Samet, Rimka du 113 et l'artiste. Extrait de la compil à la Via Mix Party. Qui est dans les bacs. Depuis le déchoir. J'ai besoin d'air. Claquer la porte, partir et jeter la clé. J'ai dit j'ai besoin d'air. Couper mon fun et me barrer tout l'été. Oh, moi je veux voir les visages briller et voir mes potos kiffer. L'odeur de la vie. On est tous là pour kiffer. Je me suis déconnectée. J'ai laissé tous mes problèmes de côté. Je me suis déconnectée. Je mettrai ce répondeur tout l'été. Et j'écouterai du Biggie, du Tupac pour m'ambiancer. Posé au bord d'une piscine, je ferai la belle comme Beyoncé. Mais m'appelle pas, je suis pas là. Je désactive mes comptes, tu avais. J'efface mon passé maudit, j'ai mis les bagages dans l'audit. Je vis sous le ciel gris de Paris, mais je veux la même vue qu'à Bali. Le quotidien m'a rendu écrit, donc je démarre la caisse. Les vitres et les lunettes fumées au feu rouge, donne toujours une petite pièce. Je débranche Twitter, Facebook, tout ce qui casse la tête. Dans le sud de l'Espagne, je pourrais faire la sieste. Ne m'appelle pas, je réponds plus. Un peu de weed, un peu de thune, je suis frais, je me fais bronzer les plumes. Je coupe le son et l'image, je fais un bisou au village. Dis-leur que j'ai pris le large. Je me suis déconnecté, j'ai laissé tous mes problèmes de côté. Je suis déconnectée, je mettrai ce répondeur tout l'été. Et j'écouterai du Biggie, du Tupac pour m'ambiancer. Posé au bord d'une piscine, je ferai la belle comme Beyoncé. Ne m'appelle pas, je suis pas là. Je désactive mes comptes, tu avais. Ne m'appelle pas, je suis pas là. Je désactive mes comptes. Désolé, je suis pas là. Et gros amant, tu vas parler. Et toi, ma tête est malade. Et aujourd'hui, faut que je me barre au soleil. Je me tire d'ici, je vais kiffer. Me rappelle pas, je suis pas là. La la la la la la la la. Je désactive mes comptes, tu es avec mes gars. Je suis sous le soleil et je fais le halo. Ne m'appelle pas. C'est Skyrock et c'est Planète Rap avec DJ Amida. Le DJ Amida, on est là, mon poteau. On est avec Fredo, Rimkus et Bultus. C'est vrai. Gizane. C'est dans les bacs. C'est dans les bacs depuis le 2 juin et ça marche fort. Très bien avec ce morceau déconnecté aussi. Déconnecté qui marche très très très bien. Donc je l'étais souvent en soirée et c'est un truc de fou. Je reçois beaucoup de vidéos. Des gens font des selfies en mode vidéo, ils s'ambiancent dessus, ça fait super plaisir. Avant de se déconnecter pour l'été, ça fait du bien aussi. C'est ça. Oui, tout ranger, tout balancer. Direct. Un petit mot aussi, parce que là on parlait évidemment de prendre l'air. Toi, tu prends l'air pratiquement toutes les semaines, puisque ce soir tu mixes, demain tu mixes. Ouais, demain, je pense que c'est pour les chanceux qui ont la chance de partir à Marrakech. À Marrakech, c'est ça. Ouais. Et ce soir, je suis à Vieux Sans Salaz au 8, dans le 74. Et tu tournes comme ça toutes les semaines aussi. Hein, C'est important de le dire. Ouais, hier on a fait le White Dream avec l'artiste, c'était super bien. Et c'était la folie même. C'était super bien pour moi, c'était la folie, donc c'était voilà. La folie totale. Et voilà, donc tout à l'heure direction le 7-4 et demain direction Marrakech, Pacha Marrakech. Et pour suivre, pour savoir où tu mixes, il y a une adresse précise ou pas? J'ai tout mes trucs de réseaux sociaux, donc mon Facebook officiel c'est DJ Hamida, H-A-M-I-D-A. Le Twitter c'est @DJHamida71. L'Instagram c'est DJ Hamida et le YouTube, la chaîne YouTube officielle, c'est DJ Hamida officiel. Et Tunisiano qui est là ce soir aussi entre 20 et 21. San, il est là avec nous. On est là, l'équipe, on représente. Il y a Aishrouille, avec toujours ton album aussi qui est dans les bacs, Tunisiano. Toujours, marqué à vie, marqué il est sorti, il est là depuis le mois de mars. Hein. Donc voilà, écoutez, il y a des clips en plus qui sont en train d'arriver, qui se présentent. Et puis, Inch'Allah, j'espère qu'on va réussir à clipper le morceau. Bienvenue chez les Irs, c'est pas mal. On va le clipper. Voilà. Ah, tu t'engages? Non, je m'engage. On s'est engagé. Tu as entendu? Direction la Tunisie pour aller clipper. Pourquoi pas? Obligatoire. Obligatoire. Donc, oui, t'as des dates aussi. Il faut qu'on aille chez toi là. Bah ouais, il faut y aller, frérot. On va manger un petit peu hard. Ah ouais, manger plat piquant. T'as dit tu quoi tournes, non, je disais, tu tournes un petit peu. Il y a des concerts aussi, on peut t'en trouver là. Ouais, au mois de juillet, là, pendant le ramadan, il y a un ou deux festivals qui vont tomber. Et puis en septembre, normalement, on va commencer à partir en mode tournée, quoi. Normalement, il va y avoir la Belgique, la Suisse, et puis quelques dates en France. Un peu partout. Ouais. Qu'est-ce qu'on écoute, messieurs, comme morceau tout de suite? Extrait de l'album à la bien mix partie. Zifou. J'aimerais bien balancer le morceau avec Zifou. Yes. Et bon, on le met tout de suite. Tranquille, la life. Le clip bientôt disponible en début de semaine. Et le clip qui arrive donc la semaine prochaine, c'est sur Skyrock à la bien mix partie. À découvrir tous les soirs de la semaine avec le hashtag DJ Amida sur Skyrock. Vous balancez tous vos messages. Allez, c'est parti. Le son de Zifou maintenant. J'ai quitté le sol français. L'avion, je suis défoncé, pressé. Devant mes thunes s'envoler. Pas d'heure, pas de gain, on va tout claquer. Mon équipe est préparée. T'inquiète, on va allumer les boîtes, les chiches à tout cramer. Après cette guerre, on sera validé. Tranquille la life, make mess, Dubaï, Marrakech. Prends ton billet en balle, rejoins-nous que si t'es fraîche. Je sais que tu m'as kiffé. J'aimerais t'en m'épouser. En fait, bébé, je pourrais pas me poser. Tu risques d'entendre papa ou t'es. Dans la route, loin des emmerdes. Tranquille la life. J'ai pas dansé, mais je t'offre un verre. Tranquille la life. Tu bois des sous, mais tu m'es cher. Tranquille la life. Elle s'est mariée, je peux plus lui plaire. Tranquille la life. Tranquille la life. Tranquille la life. J'ai plus rien à perdre, cet été j'ai des sous à faire. J'fonce dans le noir mais j'y vois très clair. Posé dans le vip, je gère. Lève tes mains en l'air. Comme en show, j'enlève mes affaires. La gonzo finira par terre. Tranquille la life, Dakar, Phuket, loin des emmerdes. Tranquille la la, je vais pas danser, mais je t'offre un verre. Tranquille la la, tu dois des sous, mais tu m'es cher. Tranquille la la, elle s'est mariée, je peux plus lui plaire. Tranquille la la. J'oublie la hesse. Quand on sort, toi tu n'es hesse. DJ Hamida dans la caisse. J'ai passé la nuit sur toi, mais je m'en souviens pas. Sandra, Sarah, Samantha, oublie-moi, t'es vu sur Insta. Tranquille la life, Saint-Tropez, Canton, je fesse. Champagne, Hellel, t'es pas rap, ta cache, tes fesses. Hello, c'est le Marocco. Oh la chica, viens faire un tour dans mon vaisseau. Dans la loin des emmerdes, tranquille la la. Je vais pas danser, mais je t'offre un verre. Tranquille la la. Tu dois des sous, mais tu m'es cher. Tranquille la la. Elle s'est mariée, je peux plus lui plaire. Tranquille la la. Prends la route, loin des emmerdes. Tranquille la la. Je vais pas danser, mais je t'offre un verre. Tu dois des sous, mais tu m'es cher. Tranquille la la. Elle s'est mariée, je peux plus. C'est extrait du projet de DJ Hamida qui est dans les bacs depuis le 2 juin à la Bien Mix Party. Dans les bacs depuis le 2 juin. Vous pouvez pas louper sur Skyrock et découvrir tout, tous les soirs. Tout à l'heure, tu vas nous faire un mix d'ailleurs. Un bon petit mix live. Un gros mix live, comme si on était en soirée, on va se mettre en mode soirée. À pas louper, Tunisien Noël, je crois que nous avons aussi un coup de fil. Si tout se passe bien dans quelques minutes, nous devons passer un coup de fil à l'un des artistes présents. D'ailleurs, dis un petit mot sur, parce qu'il y a une trentaine d'artistes. Ouais. Donc si tu veux citer quelques noms des gens qui sont présents, donc il y a Tunisiano qui est là avec nous. Donc il y a LECK, il y en a plein d'autres. Il y a Cheb Ryan, RJ du 9-5, Oriental Impact de Nantes, Cheba Maria de Toulouse, Kalsha, Aaron, LEAK de Lyon, Wainaka, Nas, Mysterio Albandi, il y a Tunisan, il y a GSX, Zifu, Fianso, très très bon rappeur, Najim et Jay-Z, Blaze, Canardo, Lalim de Lille, Cheb Zobir, Jael Hamdaoui, Bruxelles, le frérot Cynique et le frérot Sosomanes, il y a Tiuti, il y a Francisco aussi, l'artiste, Nagi, Voinis de Toulouse, et Daoudi, et Kaina Samet, et LECK, Kamel le Nouveau, et même mon frérot qui m'a fait l'outro, c'est un joueur de foot, Youssef Al Arabi, un international marocain qui joue à Granada. Et ben voilà, une grosse liste, bien complète, ouais, donc, bien fournie, c'est quoi? C'est un nom de boulot hein, pour réunir tout le monde? Ouais, c'est ça, ouais, j'ai fait 8 mois même. J'ai juste taffé tous les jours, c'était du studio intensif. Karim il m'a mis au fourneau du lundi au vendredi. Et vendredi, et vendredi dimanche j'étais en date. Donc je ne voyais plus rien. J'ai pris des kilos même à cause de lui. On mangeait que des crêpes. Il respectait pas. J'espère que pour le prochain ce sera autre chose. Même après c'était ça, s'il faut être dans les délais. Moi j'ai quelqu'un qui a la dalle. Et tu peux tenir sur des crêpes pendant 8 mois. Ouais, mais si après c'est un bon résultat et je me retrouve en face de toi aujourd'hui, c'est que c'est bien. Je disais, on te passe un coup de fil, c'est bon. Je crois que nous avons l'un des artistes présents qui est donc sur à la Bien Mix Party. Ouais. Qui pouvait pas être avec nous ce soir dans le studio. Non. Je crois qu'il est au soleil déjà bien loin. Il est déjà déconnecté, le frérot. Il est déjà déconnecté, le frérot. Mister You Gataga. Wesh. Comment tu vas, frérot? Bien, la forme. Ah ouais, t'es sous le soleil. Toi, t'es où? T'as déjà déconnecté? T'es loin? Ouais, moi je suis à Marbella là. Ah ouais. Marbella, comment est-ce que t'as? Avant le ramadan, Marbella. Voilà, Marbella. Bienvenue, You, dans le planète rap de DJ Hamida. Bah ouais, toi, en pleine forme, il y a Tunisiano qui est là aussi avec nous ce soir. Ah, salam alaikum. Ça va ou quoi, frérot? Ça va ou quoi, frérot? Bah alors, tu kiffes? Tranquille. Ah, mais là, on profite. T'es bien, voilà. On a traduit, on travaille un petit peu, on gratuit un petit peu, on se prépare pour le ramadan. Ah, t'as bien raison. Ouais, j'ai demandé voilà. C'est quoi? Ça va un peu? Ouais, ça va, alhamdoulilah, tranquillement. C'est quoi? Ça va bien les ventes, j'ai vu un petit peu, j'ai suivi. Magnifique. Ah ouais, c'est chambé. Ça fait plaisir. Aïe. Toi, c'est quoi ton histoire avec You? Mon histoire avec You, on est lié par un mec que je connais très très bien, un ami à moi, un ami très très proche qui s'appelle Bim Bim. Que tu connais très bien. Bien sûr, Bim Bim, le célèbre. Même moi, je le connais très bien. Tout le monde le connaît. Voilà, le célèbre Bim Bim. Donc, il m'a mis en contact. C'est le plus connu des mecs pas connus. Voilà, c'est ça en fait. Donc, voilà, il m'a mis en contact avec lui. On est parti en studio et on a fait ça. Et le mois d'après, on s'est retrouvé au Maroc, à Casa, en train de faire le clip. Le clip est magnifique d'ailleurs. d'ailleurs. Mm-hmm. Il est disponible sur YouTube. Ouais. Et bon, ouais, voilà, tourner à Casablanca. Franchement, c'est un kiff. Et moi aussi, c'est un plaisir. Voilà, hein, voilà, Hamida nous a invités avec Bim Bim. Il nous a dit, venez cliquer, je suis venu avec Albandi. Et voilà, on est venu, on a fait un petit morceau en vite fait, bien fait. L'instru, elle était lourde. Et voilà, ça a tourné, ça a tourné, ça a tourné, ça commence à tourner. Et après, tourne partout, ça va continuer à tourner. Voilà, t'as tout compris. Non, ça fait plaisir. En tout cas, franchement, c'est un plaisir. Et nous, voilà, on vous apporte tout notre soutien. Mais là, on est de stage. Je vais vous passer Albandi, on va vous faire un petit coucou aussi. Merci à toi, passe-nous. Ah, bah, il y a une sacrée équipe. Parce que il y a Mysterio et Albandi sur le morceau. Aïe, aïe, aïe. Non, je sais, mais ils sont sacrés. Ils partent aussi ils partent en équipe. Vous êtes en équipe, Albandi, là. Vous m'invitez pas, moi je vous invite à Casa et vous m'invitez pas à Marbella. Ah, vous êtes parti comme ça, hein, vite fait. Hein, ah, tu vas quand tu veux, Hamida. Tu connais très bien où ça. Ah, t'as quitté Ronissou. Allez, je vous passe le salam. Ah, ça fait plaisir. Tu veux nous dire qui est Albandi pour Albandi, c'est un rappeur que j'ai connu quand je suis parti voir Mysterio au studio. C'était un rappeur qui était là et en fait il faisait un freestyle. Et il m'a choqué, j'ai dit ah ouais, lui il rappe de fou. Et c'est après qu'on m'a dit que c'était un mec qui était produit par sur Style Record chez Anotem Record chez Mister You. Ouais. Et donc voilà, et ça a été un plaisir de l'inviter aussi sur le projet. Parce que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé en fait, c'est tout seul. Hein. Salut, ça va, tac. Et lui, il continue à rapper dans son truc. Je dis ah ouais, le mec est lourd. Donc voilà, et on l'a invité sur le projet, il a fait le taf. Et ben, c'est un coup de plaisir. En tout cas, c'était un gros plaisir pour nous. Y a pas de problème. Ah. Et ben, merci à vous d'avoir été là en direct ce soir. Merci à vous les Reyes, c'est super gentil. Big up you, et big up tout le monde. Faites attention à vous. Gros bisous de Marbella. Ah, ça fait plaisir. Ok les gars. Et ben, profitez bien. Profitez bien. Mais je crois que c'est bien parti, ouais. Salut, allez, salut. Ça me paraît bien parti. Sur Skyrock, dans un instant, on va revenir. Qu'est-ce qu'on mettra comme son Le morceau Anel Yuma. Le morceau Analyuma. Le morceau dont on parlait à l'instant avec Albandi et Mysterio. Ça arrive dans un instant, bougez pas sur Skyrock et puis Session Mix, ça pas loupé aussi. Avec DJ Hamida, notre invité, tous les soirs de la semaine. Planète Rap, c'est la famille. 20h-21h sur Skyrock. Comme toi, DJ Hamida a choisi Planète Rap. Planète Rap. Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est Planète Rap entre 20h et 21h avec DJ Hamida qui est là tous les soirs de la semaine pour cette dernière ce soir. Cette dernière. Avant le match aussi à suivre, Suisse-France chez Difool à partir de 21h dans la France. Et attention, maintenant nous allons parler. Il est pas sur ton album, il est pas sur la Bien Mix Party. Par contre, chaque année, c'est un véritable plaisir. On l'a chaque année. Il vient faire un petit coucou dans Planète Rap parce que depuis que je suis tout petit, j'ai l'impression que c'est le ministre de la Culture. Il a jamais changé, en fait. Ici, en France. Ouais. Maintenant, il est devenu président. C'est président de, il va nous en parler d'un endroit somptueux à Paris. Ouais. C'est Jack Lang qu'on a en ligne. Ah, ça fait plaisir. Jack, comment allez-vous? Et ça va bien, surtout quand Skyrock est là au rendez-vous. Et voilà, je disais président parce que président de l'Institut du monde arabe maintenant, Jack. Exactement, président du pont entre l'Orient et l'Occident, président d'une institution culturelle unique au monde qui a été créée voici une trentaine d'années. On m'a demandé de redonner à cette institution un nouveau souffle, un nouvel élan, en particulier par la musique. Et ça tombe bien, on a DJ Hamida qui est maintenant connu dans le monde entier, qui part d'ailleurs demain à Marrakech pour aller mixer. Bonjour à vous, monsieur Jack Lang. Ça fait bizarre de parler avec vous. Je ne savais pas aujourd'hui c'est le vrai, avec hein. vous. C'est le vrai Jack Lang, Hamida. Donc, s'il y a moyen de gratter un bif à l'Institution du monde arabe, il n'y a pas de problème, je vous laisse mes coordonnées, monsieur Jack Lang. Est-ce que vous avez besoin d'une soirée à la Bien Mix Party? Merci à vous. Est-ce que vous savez que j'ai participé il y a quelques semaines aux dunes électroniques en Tunisie? Ouh là là, suis avec Tunisiano ici, Tunisiano, le porte-parole justement. De la Tunisie est parmi nous ce soir. Premier ministre. qui vient d'être appelé Premier ministre de Tunisie. Tunisiano qui est avec nous. Les dunes de l'électro. Tunisiano, on l'a reçu aussi à l'Institut du monde arabe. Ouais, c'est vrai, j'étais venu faire un petit showcase là-bas histoire de faire découvrir l'album. C'est super bien passé. Franchement, le cadre, il est magnifique. Mais c'est ça. J'aimerais bien visiter. S'il vous plaît. Je vous attends, je vous accueille quand vous voulez. Non, mais justement, rien cher, c'est cool. Monsieur Lang, juste pour situer un petit peu, pour expliquer les gens qui connaissent peut-être pas l'Institut du monde arabe, c'est quoi? C'est pas un musée tout à fait, il se passe plein de choses. Des concerts, des expositions. En ce moment, par exemple, il y a deux belles expositions sur l'Orient Express et sur le pèlerinage de la Mecque. On prépare pour la rentrée prochaine un événement sur la création contemporaine au Maroc. Il y a des débats, des conférences, des spectacles. Voilà, et on souhaite en particulier que les musiques actuelles soient beaucoup plus présentes qu'elles l'étaient dans le passé. Et bien justement, il y aura bientôt DJ Hamida à l'Institut du Monde Arabe. Et bravo, ça y est, c'est fait, bravo. Merci à vous, monsieur Jacques. Si vous fait ce plaisir, on l'accueille. Mister Jack, je te quitte. Non, mais si on vous a aussi, c'est parce que voilà, vous êtes à l'origine évidemment de la fête de la musique. Non, c'est super bien ce que vous faites. Et c'est demain la fête de la musique ici, ici nous en France. Est-ce qu'on peut faire, parce que chaque fois, moi j'adore savoir le petit point de Jack Lang chaque année sur la fête de la musique. Vous avez fait le compte maintenant dans combien de pays, Jack Lang, la fête de la musique? Alors, je crois dans plus de 120 pays. C'est ça. Et, plusieurs milliers de villes. Et de Shanghai à Los Angeles, en passant par Berlin. Et puis d'ailleurs, puisque nous sommes un peu en Tunisie en ce moment, en Tunisie aussi, au Maroc aussi, au Liban, à Beyrouth, dans tout le monde arabe, la fête de la musique a percé. Et c'est comme s'il y avait une sorte de grand festival mondial de la musique, ouvert, gratuit, et des millions et des millions et des millions de fanatiques de la musique, à peu près à la même heure, il y a les décalages horaires, célèbrent ensemble l'arrivée de l'été, la musique, l'amitié et l'amour. En tout cas, c'est une très belle démarche, monsieur. Bah, justement, ce qui est assez fou, c'est que vous l'avez créé, c'était quelle année? C'était 80, je dis pas de bêtises, 84? 82. C'était 82, la première fête de la musique. Est-ce que voilà, quand on est dans un cabinet ministériel à l'époque, on se dit voilà, on va faire une grande fête de la musique. Est-ce que vous auriez pu vous dire 30 ans après, un peu plus de 30 ans après, que ça pourrait avoir cette tournure maintenant pour la fête de la musique dans le monde entier? En réalité, non. Au début, j'ai fait ça un peu comme quelqu'un qui voulait s'amuser. Je voulais savoir si les Français allaient répondre à un appel. Retrouvons-nous dans la rue, dans les gares pour fêter la musique avec amateurs et professionnels. Je voulais vous dire franchement que la première fois, j'ai eu un trac pas possible. Ça a été peut-être le plus important trac de ma vie. Ah oui? Et puis ça a marché, les gens sont venus et on a réédité l'événement l'année suivante. Bon, et puis ce qui est vraiment émouvant, je trouve, c'est que cette petite idée né sur les rives de la Seine et aujourd'hui réussit à faire le tour de la planète. Et ben peut-être que ce sera pareil aussi pour l'Institut du Monde Arabe là dans une trentaine d'années, hein, qui sait maintenant. Peut-être qu'il y aura plein de petits bébés Institut du Monde Arabe dans le monde entier. C'est une bonne idée à retenir. Et ben voilà, qui sait. Et en plus je sais que vous faites aussi pas mal de choses pour les cultures urbaines. Je crois qu'il y a un grand graphe qui a été dessiné à l'extérieur. Hein. C'est ça, l'Institut du Monde Arabe. Absolument, El Cid. El Cid. Que connaissent certainement nos amis. Eh ben peut-être. Non, je connais pas vraiment, mais en tout cas, je franchement. Mais on ira voir. Ouais, mais je tenais juste à dire un petit mot. Merci en tout cas pour notre culture et pour la musique, le fait de la mettre un petit peu en avant, de l'exposer. Merci et beaucoup, franchement, ça fait du bien. Je te kiffe, Jacques. C'est un mot d'amour des Tunisianos qui arrivait pour vous. Beaucoup d'amour. C'est un peu comme à la veille de cette fête de la musique, Jack. Vous le savez, beaucoup d'amour à chaque fois sur Skyrock. On sait aussi que vous êtes toujours là, qu'on a besoin de vous. Donc merci une fois de plus d'avoir été là par téléphone. Merci à vous. Et merci à vous, monsieur Jacques Lang. Merci aux amis tunisiens qui sont là et que je leur dis, ils sont les bienvenus à l'Institut du Monde Arabe, c'est leur maison. Bon, DJ Hamida, il est marocain, c'est dommage. Marocain bourguignon. Ici, on accueille tous ceux qui aiment les belles choses, les bonnes choses de la vie. Eh ben, on vous envoie DJ Hamida, il va venir faire une soirée, vous allez voir, vous allez pas vous en remettre, hein, Jack. Vous allez kiffer. Il va falloir prendre quelques semaines de repos après, hein. Bon, ben, merci d'avoir été avec nous, en tout cas. Merci à vous et à très bientôt à Skyrock. Merci. Comme d'hab, merci Jack Lang, à l'instant, sur Skyrock, qui fait son petit coucou à la fête de la musique. Ça fait super plaisir. Voilà, il est trop lourd, Hamida, Il y a carrément des ministres qui appellent pour le souligner. C'est trop chaud. Et tu vois, on croit qu'il est toujours ministre. Maintenant, il est président. Ouais, le président. Moi, je m'attendais pas. Elle est belle. Voilà. Et ben petit coucou à chaque fois, Jack Lang, on l'a dans l'émission. Et c'est pour ça que je lui dis, c'est à moi de gratter. En plus, t'as gratté un petit truc pour le booking. On t'inquiète pas, on est dessus. On est dessus, Hamida. Bon, balance ce morceau, on avait promis le morceau avec Mister You et Albandi. Analium, extrait de ma compil, le clip est dispo sur YouTube. Allez, c'est parti. سرع لي سرعي تدودية سطاد برشيد كاساه محمدية كراش على زبادة ولا سلمية ولاد بن حمان عايشين بالمية ألبان دي ميستاريو جيجي حميدة خلاش فرتي موطر يعطيك سيدة ولاد كازا صحب تربيدة هزو ديكم ليوم نايدة وجدع قنيطرة مكنس وفاس نطلع بسامة باش تنفس ولا بودة فخاطر بيبي ملا تجيب مهدي ولا ياسين أنا اليوم مع جيجي حميدة أنا اليوم مع ألبوني أنا سميتي وهفينا فينا اخواتي انا اليوم مع جيجي حميدة انا اليوم مع البوني انا سميتي وكاتاكا وهفينا فينا اخواتي يا البابور يا مونامور وهفينا اخواتي la rame. Soit un fond de Ogia. Mon vrac m'a dit matra même. J'ai de la Belgia. Puis une villa, robot dans un riad. Vodka, whisky, 3 kilos de grillade. Mida au platine avec qui on fait la gif. Des pompes platine, des pompes du rip. C'est la bête jet set, bouteille rosée. La bête étalée et ne névrosée. On est heureux, on tire en l'air, s'had fantasia. Fais-moi une danse, tu vends, couche ta charma. Ouais, c'est halla, soir, ce c'est hammi. Maman n'aime pas ce que vend hammi. انا اليوم مع جيجي حميدة انا اليوم مع البوني انا سميدي يوكاتادا وفينا فينا اخواتي انا اليوم مع جيجي حميدة انا اليوم مع البوني انا سميدي يوكاتادا وفينا فينا اخواتي يا البابور يا مونا وفينا فينا اخواتي بعطوني الفيزا والباس وفينا فينا اخواتي بدي وانا الملاح Fuck les redash, rachète la côte si j'ai une Rockefeller. Sur du shabby, j'danse la rumba. Parle aux ennemis et t'es viré de la Honda. Alhamdoulilah, on est très loin de sa dèche. Garde la pêche, viens pas nous faire riche. On bête des bouches et des bouchons de liège. Y'a des beaux mecs, faut que les meufs m'attrachent. Ma cache convertie, les tirs à mon péché. Ronny sous bois, toujours plaque en DG. Rajou le mahia, fait péter les tétangers. Ce soir, c'est dans la piscine, pas au hab, ce qu'on va plonger. Anna Lioma, ma DJ Hamida. Anna Lioma, ma Albani. Anna Smithy, you got a gun. Mister You, Albandi à l'instant. Mister You, Albandi, les frérots, Yuga Taga. À la bien mix party sur Skyrock entre 20 et 21 dans Planète Rap. Avec vous qui intervenez aussi, vous qui venez faire du freestyle par téléphone. Un autre morceau que on va mixer aussi. Tu vas le mixer dans un instant, c'est le morceau qu'on retrouve Tunisiano justement. Tunisiano, yes. Dans quelques minutes, tu auras une session mix, tu iras au platine. On est là. À pas louper. À ne pas louper. Et juste avant, on est avec quelqu'un, c'est Youfan, c'est ça? C'est ça, ouais, ça va bien. Youfan de Rouen. Ouais. Du 42. Oui. Bienvenue dans Planète Rap. Ça va, ça va. Avec Amida, avec Tunisiano qui est là ce soir aussi dans l'émission. Ah, Tunisiano, Amida, vous allez bien, les gars? Tranquillement, et toi, poteau? Ça va, ça va. Bon, allez, il faut que tu kicks ça, mec. Ah ouais. Ah ouais, on va faire c'est ça. C'est quoi bien, ton blaze? Allez. Oh là. 4-2. Ouais, ouais. 4-2 All-Star. Ouais, allez, c'est parti maintenant. Ok. Parle-toi de mon futur, celui-ci me semble imparfait. Parlons du présent, laissons le passé de côté. Franchement, j'aille sur un rail de fumée. Partir dans mes rêves, histoire d'oublier. On se verrait dans un monde qui me semblerait meilleur. Un monde où t'as pas d'aide, aucune prise de tête. Un monde où ta mère compte plus que 100 000. Un monde sans vivre dans rien. Un monde de paradis, parce qu'il y a bras ouverts. Un monde sans racisme, un monde sans famine. Un monde où tu ne perds personne de ta famille. Malheureusement, rien n'est comme ça. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, c'est mon texte. À tous les détracteurs qui voient encore la lueur qui se lève de bonheur pour voir la fin du mois sans le bonheur. Pas besoin de matricule, poser, poser, frater, frater, ne l'oublie jamais, ouais ça fait. On dit que les paroles sont bonnes et que les écrits restent. Putain, je m'en prends, mais je reste dans une logique où les paroles blessent, pas le choix. J'avance sans me retourner sans savoir que je vise loin de là. C'est que la daronne en est pour quelque chose, ça je n'aime des fois. Je continue à faire danse sans me soucier des bonnes choses. Et ça, je sais bien, malgré ça, elle a peut-être raison. Je suis pas Jean-Louis David, mais ça part en rap, je ne vois rien. Rien depuis le début, je ne lâcherai rien. C'est pour rater au micro, ne l'oublie pas. Je balance des techniques, je m'en bats des fesses, j'en fais des choses. Raconte moi des yo dans ma caprine. Qu'est-ce qu'elle est confortable, cette petite banquette arrière. Je m'empresse, mon deuxième qu'elle a juste des soudières. Ouais, je sais, je l'ai oublié. Ne le dis pas, ta rame. Je veux pas d'un petit Barbie. Je me tape même ta soeur, ouais, ça fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais, Youfan à l'instant de Rouen. Bah, merci à toi, Youfan. Merci bien, merci, les gars. Eh ben merci, et d'ailleurs on va te filer aussi, puisqu'on les a pas encore filés, on va t'en filer une, il y en a deux à choper chaque soir. Des outils chicha. La fameuse chicha électronique. Ouais, c'est cool les gars. Qui arrive pour toi à la maison. C'est fait. Ce que je veux dire, il y a moyen de lâcher une petite dédiée vite. Bah vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Eh ben gros big up à BRY119, Jayo, Ruzdar, Parano, Miotis, toute la mif. Et allez cliquer sur YouTube La Fraté. Eh ben on ira cliquer. Merci à toi Youfan. Merci les gars, merci. Ciao, passe une bonne soirée sur Skyrock, le Planète Rap avec DJ Amida et le morceau avec Tunisiano. Il est peut-être grand temps de le mettre maintenant. Allez, on y va. Ce morceau, on en a parlé, t'es parti d'abord en Tunisie. Voilà, grâce à un poteau à moi qui s'appelle DJ May, je lui passe une dédicace, il est du côté de Cannes 06 Nice. Donc c'est lui qui m'a mis en connexion avec ce chanteur et puis on est parti directement faire le morceau. Ah, t'as découvert grâce à Jacques Lang, ouais. Ouais, aussi. T'as découvert la Tunisie, gros. T'es parti à la City du Monde Arabe, avec Ramzi Abdelaweb. Ouais, Ramzi Abdelaweb, voilà. Qui est présent. À tes côtés, Tunisiano. Tunisiano, yeah. Dans un morceau qu'on a fait Bienvenue chez les Tunisi. Et bon, le coup de maintenant, c'est parti. Tunisan, bienvenue. Algérie, en Tunisie. Ramzi. Si, si. Pour les aigles de Carthage, là. Lyon de l'Atlas, Fennec, Monsos. Prépare le pactage, j'exporte, passe par la douane, cœur gros, bienvenue chez moi, airport, tous les Carthage. Tous les de ma mère, la terre de mes pères. Malheur, frérot, assis-toi. Oui, on est fiers, mais on reste des frères. Pas de manière, chez moi, c'est chez toi. Passe par la pommade, on est trop frères. Y'a pas de chômage, tu vas te faire trop mal. Frérot, en route, vers le progrès. Trop de personnages, ça c'est ma homa. Ça ferait typique, petit plaque épique. Et si, tout se vend, tout s'achète. L'ambiance est ludique, tu connais la gimmick. C'est bip, la roue s'achète. C'est... On se casse dédié à tous les Tounsis. Si, si. Les refrains. Les refrains. De Lyon, Nice, Toulouse, tous les bleds. Aïe, aïe, aïe. On n'est pas timide. Personne t'importe une heure. Demain c'est le ride. Mabrouk, le cosmos. Mabrouk. On parle vrai, on parle de paix. Chaque été on vient s'amasser. On parle en vrai, on parle en gay. Parti de Rami, petit fricassé. Hey, Khadra, fuck bla Khadra. Khali Bark, Rabbi Sahel. Comme un taraji, le friki, club spirxi. L'étoile du Sahel. Hey, Sahbi, viens faire un tour. J'emmène de Tabaka Alhamra en taxi. Ami, j'ai four. Elji, imchi, dabba, dabba. DJ Hamida. On est un Tunisien. Tunisiano, Ramzi Abouahib. Bienvenue chez les Tounsis. Big up à tous mes Tounsis de Nice. Aïe aïe aïe, chicha l'étoile. Fais-toi bien, frérot. C'est dans les bacs depuis le 2 juin à la Dynamix Party. À tous mes yens, à mes aigles de Carthage, également au Lyon de l'Atlas, à mes Fennec, on continue de les soutenir dans la Coupe du Monde. Si, si. Bizarre, bienvenue chez nous, tous les gens mènent en voyage. Never, Hamida, Hamzi, Kerouan, Yep, Sous, Emma, Sterkes, Mch, Tataoui, Erfez, Zarzis, Abdel, Kerba, Mchibar. Mouche normal, dédicace à toi, Zagacha, DJ Maze, Nice, Gensel, la chicha, le délice à Angers, les frérots de Tunisiens, on est là, aïe aïe aïe, si si. À la bien mix party avec Tunisiano, bienvenue chez les Tounsis à l'instant. Sur Skyrock, c'est extrait de l'album à la bien mix party qui est dans les bacs depuis le 2 juin. Il faut aller le pécho. On vient de pécho. Rapidement. Allez, pécho. DJ Hamida, il est grand temps peut-être de passer au platine. Tu veux faire une dédicace, un petit coucou? Ouais, étant donné que c'est ma dernière journée aujourd'hui, ben, je voulais faire une grosse dédicace à ma team de Facebook. Mes deux attachés de presse, gros Tony du côté de Bastia, et une grosse dédicace à toi, Shaima, la Tounsia, Barbouze, Toulouse. Et des contacts de Tunisie. Hein. Il est pas revenu qu'avec. C'est mes deux soldats, que j'ai. Il est pas revenu qu'avec un morceau, Hamida. Non, c'est la famille Barbouze. Donc voilà, big up à vous, big up à mes deux soldats qui sont en 24 derrière. Je te laisse rejoindre les platines avec la jolie chicha aux couleurs de la France. Regarde, bleu, blanc, rouge. Hein. À la Fumax. À la Fumax, c'est magnifique. C'est la chicha. J'ai jamais vu ça, c'est-à-dire que c'est un barbecue le truc. La vraie chicha de supporter. Oui. Celle-ci, elle est bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. Et ben, je te laisse rejoindre les platines près de la chicha bleu, blanc, rouge. C'est pour Benzé, ça. Aïe, aïe, aïe. Allez, session mix maintenant dans Planète Rap entre 20h et 21h. DJ Hamida, c'est notre invité tous les soirs de la semaine sur Skyrock. Tout à l'heure, Diffou, justement, on parlait du match Suisse-France à suivre. Tout à l'heure, petit pronostic ou pas? Je sais que tu joues beaucoup, toi, Tunisien. Moi, je joue jamais, moi. Non. T'es pas un joueur, toi. Attends. Non, t'es pas un joueur. Alors, j'ai dû me tromper avec quelqu'un d'autre. Non, pronostic, sincèrement, je dirais, forcément, je suis pour la France. Donc, forcément, je les vois gagnants. Là, c'est important d'être numéro 1 du groupe. Donc, je pense qu'ils vont les taper. Enfin, j'espère. Bon, et ben on suivra ça là tout à l'heure chez Diffoul dans la radio libre. En tout cas, on a tout mis de notre côté. On a la chicha bleu, blanc, rouge. Là, franchement, je pense qu'on peut pas mieux faire. Est-ce allez, que c'est... t'as mis le bandeau? Est-ce que t'as sorti le maillot? Est-ce tout, que t'as fait tout, des petits bouts de peinture le sur le front et sur les tout, hein tout est aux c'est couleurs. Pas en vrai, gros. Tout est aux couleurs bleu, blanc, rouge. Ah ouais. Amida, est-ce qu'on est prêt ou est-ce qu'il te faut encore un petit peu de temps? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, faut que se mette en place. C'est parti, DJ Amida au contrôle. DJ Amida, attention. Et l'amour n'a pas d'odeur. Elle a plus qu'expression vouloir l'argent du beurre. Va te la mettre à l'envers, sa gamin Gucci Louis, va te finir à terre, va te la mettre à l'envers. Soirée, personne n'arrive. Personne n'arrive. On t'a bouqué, personne n'arrive. Personne n'arrive. Personne n'arrive. Personne n'arrive. Personne n'arrive. À part tes groupies, des meufs en legging, des hommes en défi. Chérie, t'es jolie, ton corps en famine. On danse sur la piste, tu cries oui, la famille. Au lit affaibli, ma wife c'est ma mère. Algérien, marocain, tunisien, fier. Lève ton bras en l'air, ce soir c'est la guerre. Si t'as pas de bouteille, mais allez, je lève ton verre. Anigo, mec de de la night, mode de vie célibat. Les grosses qui te suent, je pars aux Pays-Bas. Hein. Laisse-les dire que je suis mégalo, je suis Balotelli, je m'en bats les calots. Plus connu sur des beats au piano, je pue le rap et la rue comme le Raluciano. Banlieue d'art, casino braqué, yeah. Animaux traqués. Yeah. Vidéo Rastaman, plus de dos chez les stars que sur Instagram. Je fais partie de ces gens rares. Si je sors comme Jean Rock, c'est pour faire du genre. DJ Hamida, Paris la capitale, capitaine comme Eric Abidal. Yeah. On peut faire des billets, même la nuit obligé de prier. Les soucis, les hommes vont nous prier. Yeah. On veut faire des billets, même la nuit obligé de prier. Les soucis, les hommes vont nous prier. Yeah. Yeah. Je suis un mec de la night. Je me pas fan, t'es la plus belle sous les spotlights. De près, on dirait que t'es chapal. Liga 1, 6 on 9, ça vient du 13 et de Panam. Vient du 13 et de Panam. Vient du 13 et de Panam. La famille, ce soir c'est moi le prince de la ville. J'ai tout investi dans mes habits. Hermès, Giuseppe Zanotti, vrai mec de la night. J'aime trop la nuit, des fois ça part en fight, des fois ça part en vie. Laissez-moi dans ma matrice, avec ta roue je m'éclipse. Posé au VIP, jamais tu me verras sur la piste. Et j'ai des étoiles plein les yeux quand je vois le DJ mettre le feu. Wahmida, dis-moi qui peut faire mieux. On est dans le club de partout, ça sent la beuh. Fais-en un, rebeuh, fais-en deux. Ta meuf elle est bonne, j'ai la même au mieux. Désolé chérie, si tu fais encore la queue, je vais rentrer les quartiers nord et toute la banlieue. Yeah. On veut faire des billets, même la nuit obligée de prier. Les soucis, les hommes vont nous prier. Un peu stupide, un brin sauvage, on s'apprivoise, on se séduit. Qu'est-ce que ça te fait de nous revoir? Ça fait un bail que tu t'ennuies. On fait les bails de Pinon Time, Dubaï, Marrakech et Paris. Et de Guada jusqu'à Lisbonne, je veux que le son résonne. Je veux que le son résonne, pas que les soucis nous emprisonnent. Baby, on est jeune, on dit que des fous. Pas nous plus loin de la camisa. Je vais finir le THR, je quitte ma life, je quitte mon cash, je t'assure que ça. Rebecca dans les enceintes. Je suis entouré comme meuf enceinte. Je fais du soirée pour m'amuser. Je fais la goutte mais je suis rusé. Moi et mes potes on est abusé. On compte ta soirée, on se barre comme une fusée. Lay, lay, lay, lay. Lay, lay, lay, lay, lay, lay. Pas de punchline, que des mimiques. Que des mimiques, donc pas de spinique. Pas de spinique, donc pas de baston. Pas de baston, donc pas de clinique. Devenir une star, c'est pas mon optique. Je fais du rap aujourd'hui, pas pour plaire en titre. C'est chacal, star, cal, crash pour les cassos. Les rainers, frérot, je m'en mets. À l'instant, le mix en live de DJ Hamida sur Skyrock dans Planète Rap entre 20h et 21h. Avant de se dire au revoir, avant de saluer aussi Tunisiano qui était là avec nous ce soir, on fait tourner rapidement la roulette. C'est parti. Skyrock t'offre les premières places pour la première tournée française de Black M. Avec Sarah de Charquemont. Ça va bien, Sarah? Oui, ça va. Ça va en pleine forme? En pleine forme. Bah écoute, bienvenue, je te présente DJ Hamida. C'est salut notre à toi, invité Sarah. Tous les soirs de la salut. Semaine. Salut. J'ai déjà écouté son album, il est trop bien. C'est vrai? Si, c'est gentil. Ouais. Eh ben écoute, parfait. Sarah, tu es prête à faire tourner la roulette? On y va? Oui. Allez, dès que tu veux. Stop! La roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Eh ben, c'est Black M qui sera du côté oh, de Montbéliard. À la rentrée à l'Axone de Montbéliard. C'est pour toi, il y a deux places, Sarah. Merci. Passe une bonne soirée, bisous. Ouais, bisous. Ciao, ciao. Merci Hamida vraiment pour cette semaine. Merci à toi. Merci de nous avoir accueillis. Grosse semaine. Donc on te retrouve ce soir pour les gens qui sont dans le 7-4. Dans un vieux sans salas au 8. Voilà. C'est ça, hein? C'est ça. Je vais dire des bêtises. Et demain pour ceux qui sont à Marrakech. Demain, Pacha Marrakech. Avec tonton Karim le Vilcus avec nous. On va le ramener avec nous. Et puis sinon, pour suivre Hamida, c'est un peu partout. Il y a la bien mix party. Tunisiano est où? Qu'on le salue un petit peu. Il est parti dans les couloirs ou qu'on l'a perdu? Il doit être dans les couloirs. Il doit être dans les couloirs. Allons le chercher pour le saluer. On va retrouver D-Fool pour la radio libre aussi. Ce soir à pas louper. Petit pronostic pour Suisse France ou pas? Petit pronostic, j'aimerais bien un petit, quand même, une rebelote d'un 3-0. Ça serait génial. Eh bah écoute, un 2-3-0, on suivra ça chez D-Fool. Merci Tunisiano d'être passé. Bah, merci de m'avoir invité. Hein. Big up à l'équipe, les mecs. Big up. En tout cas, toi. Je soutiens le projet. Je suis très fier d'avoir posé et d'avoir fait un gros titre comme ça. Franchement, ça première ça participation avec DJ Hamida et franchement, je suis flatté. Ce sera pas la dernière. Ouais, non, c'est pas la dernière. Bon, bah, merci. Toujours l'album marqué à vie qui est dans les bacs. L'album toujours, de toujours. Tunisiano avant de partir aussi en tournée. Près de chez vous. Exactement. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller le pécho aussi, celui-là, par la même occasion. Par la même occasion, ouais. De toute façon, moi, pareil, je l'ai passé aussi pour mes clips. Ouais. C'était dispo sur YouTube. Le Analyoma de Mysterio est déconnecté. Le clip est dispo sur YouTube. Et voilà. Puis au niveau de l'album, il est à moins de 10 euros. C'est Eco Plus, hein. C'est les tarots Eco Plus, hein. Sur Fnac et sur iTunes, allez le pécho. Donc voilà. Et surtout, gros, gros big up à tous ceux qui me soutiennent. Ça fait énormément plaisir d'avoir un gros soutien comme ça pour mon premier projet officiel. Donc je tenais à vous remercier, tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui me soutiennent. Et ben l'aventure continue, merci. À vous. Merci ouais, c'est à que toi. Le début. Et là on va retrouver D-Fool, c'est parti, c'est la radio libre maintenant. Yes, ciao. Bye bye. Ouais Fredo, la radio libre et on est chaud, attention, ouais, on est prêt. C'est parti pour le grand match de foot de ce soir. Le match des Français contre les Suisses. Fredo, on te retrouve tout à l'heure à minuit, juste après la radio libre et après on espère une victoire de la France. Ah ouais. On suit le match en direct dans un instant. Préparez-vous, vous voulez le suivre avec nous, vous soyez en France, vous nous laissez vos messages dès maintenant. Samba. Sur le 41-759. Samba. Do Brasil. Do Brasil, la France en haut contre la Suisse en haut. À suivre ce soir avec toute l'équipe réunie. Hein, toute l'équipe, toute la France, je vous disais. Donc vos messages, 41-759, skyrock.fm, l'appli Skyrock, vous faites péter tout ça. Vos pronostics, on va y revenir dans un instant. Et le match à suivre en intégralité sur Skyrock. C'est parti, juste après DJ Snake qui arrive tout de suite. DJ Snake est en après instant. Son planète rap, après son planète rap. Merci. Son premier album.